Accusé de prostitution dans sa jeunesse, Timarque, ambassadeur athénien auprès du roi Philippe de Macédoine, fut attaqué par le célèbre orateur athénien du IVe siècle avant notre ère, Échine. Échine, le plus véhément et le plus habile des orateurs qui ont illustré la tribune d'Athènes, dans les discours violents et amers où il accuse, avec autant de gravité que d'éclat, les mœurs corrompues de Timarque, cite un noble et beau conseil donné aux lacédémoniens par le premier citoyen de la ville. Homme recommandable par sa vertu et son grand âge. « Le peuple lacédémonien, dit Échine, dans une affaire où il s'agissait des plus graves intérêts de l'État, cherchait un parti utile et honorable. Alors se leva, pour donner son avis, un homme décrié par les turpitudes de sa vie passée, mais doué d'une rare facilité de parole. L'avis, qu'il proposait avec insistance, fut généralement goûté et approuvé. Déjà, le peuple allait rendre un décret conforme à cette proposition, quand un de ses membres de l'aristocratie lacédémonienne, que la majesté de l'âge et du mérite rendait, pour ainsi dire, les maîtres et les arbitres de l'État, ému d'indignation, s'élance et s'écrie « Sur quel fondement, lacédémonien, allez-vous établir le salut de la République? Comment pouvez-vous espérer de l'avoir toujours florissante et invincible si vous prenez pour conseiller des hommes de cette espèce? L'avis qu'il vous a donné est bon et honorable, mais ne permettons pas qu'il reste souillé du souffle d'une bouche impure. » En achevant ces mots, il choisit un citoyen les plus distingués par son courage et sa justice, quoique dépourvu du don d'éloquence, et l'invita, avec l'approbation de toute l'assemblée, à reprendre, comme il le pourrait, l'avis du vil orateur, afin que, sans faire mention de celui-ci, le décret du peuple fût rédigé sous le nom de celui qui avait pris la parole en dernier lieu, et il fut fait selon le conseil du sage vieillard. Ainsi, un sage conseil fut adopté, un conseiller indigne fut rejeté.